joints avec un fleuri. Moins fort des yeux, jolis bouquets. Les plus jolies fleurs du jardin. La rose et le briquet. Le soleil chevalier de nuit. La rose et le briquet. Le soleil chevalier de nuit. Mais souvent, soleil levé tous les jours. Un levé matin, yon, moins juin, j'avais comme fleuri. Moins fort des jours, jolis bouquets. Les plus jolies fleurs du jardin. La rose et le briquet. Le soleil chevalier de nuit. La rose et le briquet. Le soleil chevalier de nuit. Jocelyne, j'en ai comme fleuris au dia. Pense que y'a bouli, fait la pluie tomber de temps en temps. Et c'est ce qui te dit, le soleil levé comme moi. M'avait prié bon Dieu, pour le protéger à mon nom. C'est vous, Paris Jocelyne, j'en ai comme fleuris au dia. Pense que y'a bouli. Mais la pluie tombe de temps en temps, et c'est ce qui te dit. Le soleil levé là comme moi, m'avait prié bon Dieu, pour le protéger à mon oh. Again, again, down, down, down. La gueule petite madame là. La gueule. Foutou la gueule, oui. La gueule. Bonne inconscient. Mais mon petit coca, bonne malhonnête. Foutou la gueule. Eh bien, fais-moi pas la gueule. Fais-moi pas la gueule. Fais-moi pas la gueule. C'est vous, fais-moi pas la gueule. Eh bien, qu'est-ce que ma voisin. La gueule. La gueule, foutou petit monde. La gueule. La gueule. Pas même mon petit coca. William, essayez résoudre la gueule. La gueule, la gueule, la gueule, la gueule.